Le journal d'internet sud-coréen Tongelius a annoncé que la direction du mouvement de Daesun pour la défense de la démocratie, qui réunit les personnalités de 73 formations religieuses, civiles et sociales et partis politiques de Daesun, a établi l'endroit d'encensement pour la mémoire du feu paysan Baenam-gi le 4 octobre devant la mairie de Daesun. Avant l'ouverture de l'endroit, il y a eu la conférence de presse pour exiger de révéler la vérité de la tuerie par le pouvoir de Bakune et punir le responsable.